بسم الله الرحمن الرحيم. فماذا يا إخواننا؟ فدعوتنا عندنا أغلى من الذهب وأغلى من أرواحنا، أغلى من أرواحنا التي هي عندنا أغلى من الذهب، فلسنا مستعدين أن ندنجها ولا أن نلوثها، ولكن دعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. وسنة فيهما النجاة، وخلاف الكتاب والسنة لا يؤدي إلى بر الأمان. الدعوة السلفية باليمن. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. شيخ سعد الآن يتمنى أن لا يغز بر المؤمن، أما الكافر أبدا. والله il est في ضيق وفي ضنك. Celui qui s'écarte du dhikr, et de l'iman, de tawhid, de l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala, il a montré automatiquement il aura une vie de dhiq et de ta'ab. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نبدأ إن شاء الله تعالى في هذا اليوم قراءة هذه الرسالة المفيدة النافعة، الوسائل المفيدة للحياة السعيدة. Comment أو les moyens bénéfiques للحياة السعيدة pour avoir une vie heureuse. للإمام الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله عليه. طهمونيخ ابن أحمد المغربي حفظه الله تعالى. كور نمو 7. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. نكونتينيو سات رسالة النافعة العظيمة. الشيخ سعدي رحمة الله عليه dans le dernier درس. الشيخ سعدي رحمة الله عليه avait cité un سبب عظيم pour écarter الهم والغم. Les problèmes, les soucis, c'est ad-du'a. Il a cité hadith fi Sahih Muslim, كذلك un autre fi Sunan Abi Daoud, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri, et l'autre du'a Allahumma rahmatuka arju fala takilni la nafsi tarfat ayn. Hada c'est min aham al-asbab. Faire ad-du'a, c'est un problème. C'est un problème, et Allah, celui qui a créé ce problème et qui l'a qadr, il est capable de l'enlever. Ça revient à lui, à Allah Azza wa Jalla. Tu peux demander à un abd va'if, il n'a pas la capacité. Rabbana, il veut ton bien. Ça arrive qu'à dire un proche de ta famille, un membre de ta famille, un ami, il veut t'aider, tu as un problème, mais il ne peut pas. Il ne peut pas. Mathalan, la maladie. Tu as une maladie, il lâche que ta famille. Si pour eux ils t'enlèveraient cette maladie, ils ne peuvent pas. Ils font certains asbab. Mais celui qui a créé cette maladie et qui t'a éprouvé avec, il l'a qadr, c'est Allah. Il est capable. Allah, il est à la kulli shay'in qadir. Reviens, demande. Hada c'est min a'zam al-asbab. Ba'd an-nas ghafla, dha'f iman, ou le kuffar, pas d'iman du tout. Ils ont des problèmes, ils ne reviennent pas à Allah. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui lui a qadr ce problème, il est capable de lui enlever. Et il laisse l'asr. Et il fait des choses inutiles. Yata'ab. Hada c'est muhim, ad-du'a. Qala faslun fi anfa'il asbab li zawal il qalaq wal humum idha hasala ala l'abdi min an-nakabat. An-nakabat ayy al-masa'ib. Ibtila. Qala wa min anfa'il asbab li zawal il qalaq wal humum idha hasala ala l'abd min an-nakabat. أي مصائب فتن ابتلاء أن يسعى في تخفيفها بأن يقدر أسوأ الاحتمالات التي ينتهي إليها الأمر. صحيح، هذا سبب عظيم. هذا مثلا une maladie، تتعب، أنت تقدر في نفسك أن la pire chose qui peut arriver cette maladie elle peut te pousser à quoi le plus la mort. Et un cas, tu te dis, de toute façon, on va tous mourir. Un a, peut-être que ça va être cette maladie dans deux jours, trois jours, dans une semaine. Un autre, ça sera aujourd'hui par un accident. Un autre, ça sera demain, il a vieilli. Un autre, un autre, un autre. Et tu te dis, ce qui va arriver de plus, c'est quoi? C'est que je meurs. De toute façon, je vais mourir. Je suis à mouahid, je suis à la sunna, inshallah, je suis à la khayr. Tu vas voir que ça t'artèche. Amma celui qui voit l'autre sens. Moi, j'ai pas beaucoup, mais foulani là, comment je vais faire? C'est l'étab. C'est l'étab. Ah, là, c'est un sabab azim. Un yas'a fi tarfiriya. Bien sûr, il fait les sabab pour. Maintenant, il est malade, il fait les sabab pour se soigner. La pauvreté, il fait les sabab pour trouver de l'argent. Des sabab halal. Pour se nourrir, nourrir sa famille, un foyer. Ma'ruf. Lakin, en même temps, il qadr aswa l'ihtimalat. Annahu, le pire qui va arriver, c'est kada. Inch'Allah, je patiente. Et tu vas voir que cette chose qui est grave, si elle n'arrive pas, le hal ou que t'es, tu vas te dire, Alhamdulillah, je suis à la khayr. Alhamdulillah, je suis à la. Je suis fini'ma. Il me reste l'islam. Ahyanan, une fitna, une balwa, tat'ab. Regarde la pire des choses. Fulan, c'est un kafir. C'est un mulhid. Il combat le din. Je te dis, Alhamdulillah, moi je suis à la khayr. Ou là où il y a des ma'asi, ou là où il y a du da'af. Alhamdulillah, je suis un musulman. Lakin, avec fi'l al-asbab. Il ne va pas se contenter du minimum. Là, c'est pour ça qu'il a qabda bel fi'l an yas'a fi takhfifiha avant le taqdir. Hada c'est muhim. Entabihu li hada. Lana tu dois faire ce sabab, thumma tu te dis alhamdulillah il y a pire que moi. Amma te taktafi, tu te contentes de ton hal et tu dis ça, j'ai des péchés, j'ai des kada, il y a des gens c'est de kuffar. Là, la bud min al fi'l awwalan. Lakin ça c'est une solution, ça khaffaf الألم تخفف المصيبة على دولار فقط قال ويوطن على ذلك نفسه فإذا فعل ذلك فليسعى إلى تخفيف ما يمكن تخفيفه بحسب الإمكان bien sûr dans الآن il sait qu'il y a des gens ils sont pires que lui, il sait qu'il y a des situations elles sont pires que la sienne, lakin il fait tout pour khaffaf, lakin en se rappelant qu'il y a des gens ils sont pires ou la situation elle est plus grave, Inch'Allah, ça khaffaf son hal. Il se dit, moi je suis encore dans une ni'ma, walillah alhamd. Qala fa bihada at-tawtin wa bihada as-sa'i an-nafi' tazul humumuhu wa ghumumuhu wa yakun badal dhalika as-sa'i fi jalb al-manafi' wa fi daf' al-madar al-maysura lil-'abd. Sahih, il fait du khayr. Il essaye d'avoir cette chose qui lui manque. Bonne santé, argent, avec des asbab mashrou'a. Et Adam Shay, on avait vu cette dua. قال فإذا حلت به أسباب الخوف وأسباب الأسقام وأسباب الفقر والعدم لما يحبه من المحبوبات المتنوعة فليتلقى ذلك بطمأنينة وتوطين للنفس عليها. نعم. مثلا أسباب خوف. Il est dans un endroit, مثلا il y a une guerre. Là, chacun a l'insan, c'est un être humain. Il y a des choses. تقلقه. بل يخاف. Ça soit bombardement, tir. Il est dans ce cas, il fait l'asbab, il fait tout pour se protéger, pour se défendre. Et en même temps, il pense, c'est quoi la pire chose qui peut arriver? Je vais toucher, je vais mourir, on va tous mourir. Et vous allez voir, ça y est. Il a peur de la moindre blessure, il a peur d'une petite chose. Robama, une grosse blessure, elle vient, il ne patiente pas. Tu vois loin, tu dis, ce qui nous est arrivé, plus de nourriture, plus de boisson. Avec le blocus, c'était un minimum. Des fois, il n'y avait plus. Et les bombardements, les cadavres. La pire des choses, c'est que tu n'as plus, tu ne manges pas, tu meurs de faim. Tu es touché par leur bombardement, tu meurs. Tu te mets ça dans la tête et toi, clairement. Ça arrive, ça arrive. Ben, si ça arrive, Inch'Allah, je suis à la khayr. J'espère mourir shahid. Tu vois que ça t'artèche. Amma wahad, il est dans ta situation, il a peur de tout. Et il n'arrête pas de parler. On ne va plus manger, on ne va plus boire, comment on va faire? Mais si je suis blessé, là, c'est l'étape. Léna, il vit la chose. Et Robama, il est touché. Enfin, autant voir loin, et t'artèche. Ce qui arrive, il arrive. Qala, wa tawtin l'innafs alayha bel ala ashad ma yumkin mina veina tawtin l'innafs ala ihtimal al makari yuhawwinuha wa yuzilu shiddatuha wa khususan idha ashgala nafsahu bi mudafa'atiha bi haz maqdouri. Ta'am. Anna nafs yal va loin. Matalan, t'es malade, pense à la mort. On va tous y passer. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Vous allez voir, ça trop aller. Et en même temps, il fait l'asbab. Si son cas il s'améliore, vous allez voir qu'il va se reposer. Il va dire, alhamdulillah, ça s'améliore. Si son cas il s'aggrave, il est prêt. Il y en a la chose la plus grave, c'est la mort. maladie, n'importe quelle maladie, si ça s'empire, ça s'empire, ça finira par la mort. Fahoua, dans les deux cas, il est viré. Si ça s'empire, il est prêt, il s'attend qu'il peut mourir à tout moment. Si ça s'améliore, il a fait l'esbeb, Inch'Allah, il sera à la khayr. Ah, ça c'est des wasa'il nafi'a jiddan. Qala fayajtami fi haqqi tawtin nafs ma'a as-sa'il nafi'. Tawtin nafs, il est habitué, ou il prend l'habitude que ça s'aggrave, il est prêt. قال ما السعي النافع il espère que ça s'améliore, si ça s'améliore il est à la khayr. قال الذي يشغل عن الاهتمام بالمصائب ويجاهد نفسه على تجديد قوته المقاومة للمكاره. Bien sûr il est pas libre. جاهد نفسه. Amma ce qu'ils font le kafara al-an, ce qu'ils appellent l'euthanasie, ça c'est khatir jiddan. Si c'est le malade qui la demande, il a tué son œuf, c'est du suicide. Si c'est un autre qui lui fait sans son accord, c'est un meurtre, il l'a tué. Il est à la kulli shay'in qadir. هؤلاء كفر الآن لماذا يفعل أبليكي لتنازية أو يلأبليك في certain endroits. أولا إذن والقنوت من رحمة الله يدزسبر. ثانيا c'est la faiblesse, ils sont faibles, ils ne peuvent pas patienter cette épreuve. Et ça sera un mu'min voilà aussi de pas soigner, il patiente jusqu'à que la mort elle vient. C'est pas lui qui se, il se suicide ou il demande à quelqu'un de tuer. Abadan il patiente et il mourra, ce malade, un an, deux ans, dix ans, vingt ans, il mourra. Al-Kafara, ils n'ont pas de sabr et ils n'ont pas de yaqin que dalik. Amma l'euthanasie, c'est haram à la kulli hal. Ou alors son hal, il atteint n'importe quel hal, il patiente jusqu'à qu'il meure. Amma le meurtre ou le suicide, c'est min al-kaba'ir. قال ويجاهد نفسه على تحديد قوته المقاومة للمكاره مع اعتماده في ذلك على الله وحسن الثقة به. حسن الثقة بالله عز وجل. Ça, c'est مهم. فعل الأسباب, il l'a cité. أي ce qu'il appelle هنا المقاومة أي tu كذلك جهاد النفس, c'est ça l'asbab. Et avec tout ça يعتمد على الله حسن النية, حسن الثقة بالله, c'est ça les deux armes du muslim. جهاد النفس, il fait des أعمال et il place sa confiance en Allah. Celui qui place plus sa confiance en Allah et fait plus de ce جهاد الأعمال الصالحة يضيع. تأمل حال الكفار. قال ولا ريب أن لهذه الأمور فائدتها العظمى في حصول السرور وانشراح الصدور. نعم والله celui qui a ces deux choses, l'اعتماد والتوكل avec l'أعمال الصالحة جهاد النفس, ولو il est dans la situation la plus critique, que ce soit au niveau santé ou niveau mal, économiquement il est pauvre ou autre, tu trouveras inshallah c'est min athbat al-nas. النبي صلى الله عليه وسلم il a eu des problèmes de santé. Ils lui ont fait du sihr, comme tu sais. Il a eu des problèmes d'argent. La chèque. Annahu, comme a dit Aïcha, une femme elle est venue demander sadaqa. Ils ont regardé tous les bouyouts de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'ont pas trouvé tamra. La chèque, il y avait du faqr. Ils ont connu le hisar, min al-mushrikin. Tu trouves wahed, il a des milliards. Il a des maisons, il a des voitures, il a des l'humour. Al-faniya. Et il est fait dhaiq, wa ta'b. فربما يسوسيد في الأخير. Avec tout ça. فالعبرة بالإيمان. أما l'argent ça rentre, ça sort, ça vient, ça part. أما الإيمان لا, ça part c'est هلكة. Et ça vient بتوفيق الله عز وجل. أما l'argent tu trouves الآن اليهود, كفرة, منافقين, ils ont d'argent plus que nous. C'est pas ça العبرة. قال مع ما يؤمله. Il espère. العب من الثواب العاجل والآجل. العاجل في الدنيا, الآجل في الآخرة. نعم. Avec tout ça, ce ta'ab que tu vis, cette épreuve, ce jihad que tu fais, oublie pas أن الله سبحانه وتعالى te récompensera. إما في الدنيا, إما في الآخرة, إما les deux. فعلى كل t'es في خير. Et ça كذلك, c'est une des causes. Tu te reposes. Et t'affrah. Tu sais, ce ta'ab, بإذن الله à la fin, à la fin, il y aura une récompense. بعض الناس ils emploient هذا في الدنيا وربما il a un travail فيه مشقة عجيبة. والله بعضهم ils ont des, ils travaillent dans des choses تتعجب comment ils patient. Dehors il fait froid, il porte, il creuse. C'est quoi qui le pose à tout ça? Et la paye à la fin du mois. Il sait qu'il y aura une récompense. Donc il patiente. ما بالك الآن أنت الآخرة. رضا الرب عز وجل. C'est pas un patron, ربما c'est un mushrik, un kafir. Là, l'an, c'est Al-Khaliq, subhanahu wa ta'ala. Et la récompense, ce n'est pas 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros, 10 000 euros, abatan. C'est Jannat al-Khuld. Anta, robama, mujrimi, patiente, mashaqqa pour quelques euros. Anta, patiente, akthar. Il y en a la récompense, elle est a'zam. Qal wa hadha mushahad mujarrab. Wa waqa'i'uhu ممن جربه كثيرة جدا. صحيح. Tout ça, c'est des solutions qu'il te donne. Le dhikr, le dua, tu regardes ceux qui sont en dessous de toi, tu regardes loin, ça pourrait être pire. Tout ça. Kadalik, la récompense, tu penses, la tarvel, tu es éprouvé, tu seras récompensé. Bi'idnillah azzawajal, si tu patientes. Ah là là, c'est bon, tout ça, bi'idnillah, ce cœur, il sera tranquille. Amma wahed qil wa qal, fulan, il a dit, il va voir. Il va se passer, yat'ab. Wallah, ce cœur il devient vayiq, et tu vois hada sur le visage de la personne, ta'ab wa mashaqqa. Qala faslun, thumma ba'd dhalik dhakar qala fi a'zam al-ilajat li amrad al-qalb al-'asabiyya wal amrad al-badaniyya. Na'am. Il y a deux genres de maladies. Amrad al-qalb, 'asabiyya, qalaq. Il a un vayiq, il se sent mal. Les maladies du cœur, ma'rouf. Et kadhalik al-amrad al-badaniyya, tout ce qui touche le corps. Les maladies معروفه. قال ومن اعظم العلاجات لامراض القلب العصبيه بل وايضا للامراض البدنيه قوه القلب وعدم انزعاجه وانفعاله للاوهام والخيالات التي تجلبها الافكار السيئه. Parmi les causes maladie, que ça soit maladie du cœur mental ou maladie physique le corps, c'est التخيلات الافكار السيئه. Il pense trop et il se fait du mal. قال لأن الإنسان متى استسلم للخيالات. الخيالات c'est des choses qu'il n'y a pas. Il s'imagine des choses qu'il n'y a pas. Enfin, celui qui est استسلم, il se soumet. خيالات, il va voir, ils vont faire. Peut-être. Et là, ça le rend malade. Alors qu'il n'y a rien. Prends l'exemple maintenant de ce qui se passe, ce qu'ils appellent les crises économiques. Dans 10 ans, il va y avoir une crise, dans 1 an. Il n'y aura plus de pétrole, tout ça. Celui qui rentre, il pense comment je vais faire mes enfants, il tombe malade. Celui qui délaisse, il tawakkal ala Allah. Orubama, tu vas mourir avant cette crise. Orubama, cette crise, elle va vraiment venir et tu ne seras pas touché. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ce qu'il veut. Orubama, cette crise, elle va venir, tu vas être touché et tu vas patienter. Eh, Hassan. Haqiqa, tu prends les choses comme elles viennent. En faisant les asbab. Lakin ma baluka alladhi yastaslim, comme il dit هنا الشيخ متى استسلم هذا يتعب. قال وانفعل قلبه للمؤثرات من الخوف من الامراض وغيرها كذلك للمرضي. مثلا il y a une épidémie الان احيانا هكذا ينشرون. Il y a une épidémie, telle maladie dans tel pays. Celui qui réfléchit, il se fait du mal à ses enfants, ربما il tombe malade. Il tombe malade بسبب الضيق كذا, la tension elle monte, s'il est diabétique, il tombe malade. Et Rubama, le virus, il ne touche pas Aslan. Lakin, à cause de ce tafkir kadir, il tombe malade. Hakika truc, fais les asbab. S'il y a des médicaments, il y a un ilaj, il ne faut pas fréquenter ton endroit, fais. Et si ça vient, ça vient. قال وانفعل قلبه للمؤثرات من الخوف من الأمراض وغيرها ومن الغضب. كذلك, كثرة الغضب, ça rend malade. لأن الغضب c'est غليان الدم. Et ça joue sur le corps de la personne. بعض الناس, tellement qu'il s'énerve, il tombe malade. Thomas, son corps, il est touché. Il m'a des organes, il m'a la tension, il m'a le diabète, et il tombe vraiment malade. Il finit à l'hôpital. Bi katrat al-ghadab. Kadhalik at-tafakkur. Trop réfléchir, ça rend malade. Al-yada, hatta al-kuffar, parmi leur ilaj, ces personnes, c'est des personnes en général faibles psychologiquement, ils sont atteints par hada. Parmi les ilaj, ils leur disent d'aller à la campagne, de changer d'air, de hatta yahda. Et c'est nafi' jiddan. Inch'Allah, mais la bidaya, ce qui arrive, ça arrive. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, il qaddar ma sha. Qala min al-khawf min al-amrad wa ghayriha wa min al-ghadab wa at-tashawwush min al-asbab al-mu'lima wa min tawaqqu' huduth al-makarih wa zawal al-mahad awqa'ahu dhalik fi al-humum wal-ghumum wal-amrad al-qalbiyya wal-badaniyya. Sahih. Au minimum, ça va le rendre triste. Maintenant, on te dit, il y a une maladie ou la pauvreté, une crise qui va arriver dans tel pays, kada, kada. Celui qui réfléchit trop, là, chaque, il n'aura pas le sourire. Ah, il va avoir une guerre, ou il va avoir ces choses. Là, truc, kada. Si ça vient, emploie les solutions dès que ça vient. Amma, un an avant, maintenant, ba'dhum du'afa min al-kuffar, ou man ta'athara bil-kuffar. Maintenant, il donne des prévisions météorologiques, la météo, l'été, maintenant, deux mois avant, il va pleuvoir, ça le rend triste. Il pense à l'été, ouais, il veut faire des choses, et ils lui ont dit qu'il y aura tel temps, il y aura, et ça le rend triste. Inch'Allah, la fille. Awoulan, il ne sait pas ce qu'il va vivre. Thaniyan, la météo, c'est pas min al-wahi, c'est des bachars. Khasatan, les longues prévisions, ils se trompent. Et troisièmement, voilà où l'été, il pleut. C'est bon, ça va te rendre triste. Sallallahu alayhi wa sallam. Ba'danna, c'est son bihaj. Ba'danna, c'est son bihaj. Lakin, ba'danna, s'il est triste, il y en a, il va aller jouer. Ouais. Il faut le beau temps. Sallallahu alayhi wa sallam. Qala. ومن توقع حدوث المكاره وزوال المحاه وقع ذلك في الهموم والغموم والأمراض القلبية والبدنية والانهيار العصبي الانهيار العصبي أي يبيغ سموانيا يفشل son cœur حتى إلى atteint de maladie وساوس إلى ضعف إلى آخرين صلى الله عليه قال الذي له آثاره السيئة التي قد شاهد الناس مضرها الكثيرة. Sahih. Là, il y a des hôpitaux, des docteurs que pour ça, ils essayent de soigner. Ha'ola. Ils ont des faiblesses, ils ont des maladies psychologiques, ils ont de la tension, ils ont. ثم قال ومتى اعتمد القلب على الله وتوكل عليه ولم يستسلم للأوهام وملكته الخيالات السيئة ووثق بالله وطمع في فضله. Ça c'est la solution. توكل, استسلام لأوامر الله, ثقة بالله. Ça y est, ce qui arrive, y arrive. De toute façon, cette dunya, c'est un ta'ab. C'est je ne le moumine, jannatul gabr. Cette dunya, c'est ma ta'al ghurur. Lui, il espère le jannah. Tout ça, ça ne lui fait pas grand-chose. Il attend quelque chose de a'azam, le jannah. Qala, indafa'at anhu bithalik al-humum wal-ghumum wa zalat anhu kathirun min al-asqab al-badaniya wal-qalbiya. Sahih. C'est a'azam fa'al ilaj. Revenir à Allah. قال وحصل للقلب من القوة والانشراح والسرور ما لا يمكن التعبير عنه صحيح يدي الفراحة les gens autour de lui sont في التعب lui les فراحة la solution c'est هذا التوحيد قال فكم ملئت المستشفيات من مرضى الأوهام والخيالات الفاسدة خاصة à notre époque صحيح بعضهم il est au mustachfa il n'a pas de maladie directement il n'a pas de blessure il n'a pas dans son corps là c'est son cœur فقط son cœur qui va mal tu le trouves il est au mustachfa il est avec les malades. وكم أثرت هذه الأمور على قلوب كثيرة من الأقوياء فضلا عن الضعفاء صحيح حتى بعضهم يزود قوة لكن ils sont touchés لكن القوة هي قوة الإيمان والعلم والتوحيد قال وكم أدت إلى الحمق والجنون صحيح بعضهم يبيغ لا raison لأنه il va se passer telle chose ils vont faire حتى يبيغ لا raison قال والمعافى من عافاه الله ووفقه لجهاد نفسه لتحصيل الأسباب النافعة المقوية للقلب المعافى من عافاه الله والموفق من وفقه الله فغوفيا الله دموند الله احسن الظن بالله فات ديزيفور إن شاء الله تسرع على خير قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه أي الله يسفي لا pas besoin de فلان علان Allah subhanahu wa ta'ala, il te suffit. Lakin, fais les asbab et reviens à Allah. Qal ay kafih jami' ma yahummuhu ou ma yuhimmuhu min amr dinihi wa dunya. Fal mutawakkil ala Allah qawil qalb la tu'athir fihi l'awham. Abadan. Abadan, mutawakkil ala Allah, il est qawi. Al-awham, ils vont faire, il va peut-être se passer, il va arriver. Hatta ba'duhum, sallallahu alayhi wa sallam, il donne une date pour la fin du monde. Kabara. Et ba'duhum, il yanza'id min hada. Peut-être que ça va être la fin du monde. Marra, ils avaient mis une date. Ba'danas, ils ont délaissé Shar, ils ont commencé à faire Tawba. T'attends. Hadal Mujrim, il te donne cette date. Cette chose inconnue, il n'y a qu'Allah qui connaît pour faire des efforts. Tomba, la fin du monde, elle n'est pas venue, ils sont retournés dans Shar. Shaitan, il y a l'abdi ha'oula. Amma al-mutawakkil ala Allah. Il sait, à tout moment, ça peut venir. Il fait des efforts. Qala, wa la tuz'iduhu al-hawadith li'ilmi anna dhalik min dha'f al-nafs. ومن الخور والخوف الذي لا حقيقة له بعضهم ils ont peur du noir والله adultes trop que les enfants de Masaki بعضهم ils ont peur la solitude il est tout seul صلى الله عليه وسلم ça c'est ضعف شديد قال ويعلم مع ذلك أن الله قد تكفل لمن توكل عليه بالكفاية التامة والله t'es tout seul t'es dans le noir inshallah t'es على خير يحفظ الله يحفظك فيثق بالله ويطمئن لوعده فيزول همه وقلقه يتبدل عسره يسرا نعم إنما العسر يسرا قال وطرح الطرح قال الحزن فرح فائدة في الحاجة قال الطرح أو الطرح ينظر الضبط الحزن قال وطرحه فرحا وخوفه أمنا فنسأله تعالى العافية وأن يتفضل علينا بقوة القلب وثباته بالتوكل الكامل الذي تكفل الله لأهله بكل خير ودفع كل مكروه وضير أي ضرر. الضير الضرب هذا. C'est pour ça que le prophète صلى الله عليه وسلم faisait beaucoup de dua. يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك على طاعتك. Tout ça, ça revient au cœur. Le cœur c'est ملك الأعضاء. Si le cœur il est طيب, il est مطمئن, le corps il suivra. إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. Fais beaucoup de dua pour ce cœur. Fais beaucoup de dua qu'Allah ثبت ce cœur. Il lui donne le tawakkul, il lui donne le yaqin. Si ce cœur il est طيب, tu seras طيب. Si ce cœur il est فاسد, il a un ضعف, tout ton corps, toute ta vie, elle sera fondée sur le ضعف. صلى الله سبحانه وتعالى الثبات والسلامة من هذه الأمر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. مع تحية دماج افاق.com. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين, لا تركن إليهم هؤلاء ثعابين.